Cours numéro 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-imam ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, fahaddu hadhihi al-hijra, safaru al-fikr fi kulli mas'alatin min masail al-iman, wa nazilatin min nawazil al-qulub, wa hadithatin min hawadith al-ahkam. On est toujours dans ce chapitre très profitable. Al-Imam al-Qayyim rahimahullah, il a expliqué, il a détaillé qalilan ma yata'allaq bi hijrati al-hijrati ila al-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ay faire la hijra auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fahuna qala fa haddu hadhihi al-hijra. Ay, il a défini. C'est quoi cette hijra? قال السفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان. أي ما من مسألة qui est liée à la foi, à la croyance. قال ونازلة من نوازل القلوب. Et tout ce qui est lié aux œuvres du cœur. وحادثة من حوادث الأحكام. Et bien sûr tout ce qui est lié à l'adoration. الصلاة والزكاة والصيام والحج. Tout ce qui concerne le fiqh. قال إلى معدن الهدى ومنبع النور ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أي le prophète. Donc que ce soit al-aqida أي la croyance, al-iman, la foi, le bon comportement, les adorations, tout cela on doit revenir au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Et هذه أو هذا الرجوع le fait de revenir au prophète صلى الله عليه وسلم c'est من الهجرة إليه c'est une sorte de hijra auprès de notre prophète محمد عليه الصلاة والسلام قال الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته وإلا فقذف بها في بحار الظلمات si tu n'as pas de dalil أن النبي صلى الله عليه وسلم il n'a pas fait telle chose ou il n'a pas ordonné telle chose ou il n'a pas accepté telle chose que ça soit un acte du cœur ou avec la langue ou avec les membres que ça soit une adoration ou un comportement un bon comportement si tu n'as pas de dalil عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقذف بهذا الشيء في بحار الظلمات أي jette cette chose Bihar al-Zulumat, al-Bihar c'est les océans, al-Zulumat c'est l'obscurité. Enfin, tu n'as pas besoin de cette chose. Délaisse cette chose et suis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et, fi sunnat al-Nabi alayhi sallam, al-Kibaya, celui qui veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, bi lisanihi, ou bi qalbihi, ou bi jawarihi, il trouvera dans sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ce qui lui suffit. قال وكل شاهد عدله هذا المزكي الصادق وإلا فعده من أهل الريب أو من أهل الريب والتهمات فهذا هو حد هذه الهجرة كذلك celui qui contredit cette sunnah خاصة عن علم il ne veut pas écouter il ne veut pas revenir et combat la voix des compagnons رضي الله عنهم et combat les savants de هذه السنة العظيمة Écarte-toi de lui. لماذا لأنه سنجلي السوء. C'est une mauvaise fréquentation qui te fera que du mal. على كل حال حد هذه الهجرة. Donc la définition de cette hijra, c'est le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام. Suivre sa sunnah. Suivre sa sunnah في ما يتعلق بالمعتقد والعبادة والأخلاق. Que ce soit dans la croyance, dans l'adoration ou les bons comportements. قال فما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده القاطن في دار مرباه ومولده القائل إن على طريقة آبائنا السالكون نعم أما المقيم في مدينة طبعه وعوائده تأمل هذا الكلام المفيد الفصيح ابن القيم رحمه الله il était très très éloquent فهنا قال فما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده. On est toujours dans la comparaison أن العبد dans cette dunya on est tous voyageurs. Et ce voyage, la seule voie qui, bi-idhnillahi azza wa jal, te fera parvenir à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la voie du prophète alayhi salatu salam. Fahajir ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Aïe, suis sa sunnah. Wahajir ila Allah subhanahu wa ta'ala. Aïe, sois sincère. Donc tu es en voyage. Amma al-muqim. Al-muqim, c'est le résident. Tu as le voyageur et tu as le résident. Fal-muqim fi madinati tab'ihi wa awa'idi. Amma celui qui est résident dans une ville. Et cette ville, c'est quoi? On est toujours dans une image. Cette ville, c'est quoi? C'est at-tab' wa al-awa'id. Aïe, les coutumes. Ce que les parents y font. Fata'ammal, tu as un voyageur qui suit sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et tu as un résident, il réside fimada dans les coutumes. Hada qawluhu tab'ihi wa awa'idih. Aïe, awa'id al-aba. Aïe, tout ce que les parents y font, les grands-parents y font, dans tel pays y font. Qala al-qatin fi dari marbah wa mawlidihi al-qa'il in ala tariqati aba'ina salikun. Aïe, بعض الناس, ماذا يقولون? Annahum, ils suivent la voie de leurs ancêtres. Wa inna bihablihim mustamsikun, wa inna ala atharihim muqtadun, wa muqtadun, wa ma li hadhihi al-hijra. Tu as deux catégories. Fi hadhihi ad-dunya. Ceux qui ont suivi un Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui ont accompli cette hijra pour Allah subhanahu wa ta'ala et envers son messager sallallahu alayhi wa sallam, et tu as une autre catégorie qui ont délaissé cette hijra. Et parmi les principales causes qui ont écarté kathirun minan nas an hadha at-tariq, de la voie du prophète alayhi salatu wasalam, c'est le fait de suivre les coutumes. قال ابن القيم رحمه الله قد ألقى كله عليهم واستند في معرفة طريق نجاته وفلاحه إليهم معتذرا بأن رأيهم له خير من رأيه لنفسه وأن ظنونهم وآراءهم أوثق من ظنه وحدسه. بعض الناس ils ne suivent pas la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. لماذا لأنهم يقولون لكن nos parents ils savaient. Est-ce que toi tu sais mieux que nos parents et nos ancêtres? Est-ce que toi tu sais mieux qu'un tel minan nas? Ça c'est une cause d'égarement. Là, al-hujja, c'est al-dalil, al-burhan. Celui qui a une preuve, min kalamillah azza wa jalla, ou min kalami rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a la vérité. Même si ça contredit nos parents, nos ancêtres, notre pays, nos coutumes, etc. Wa hada, c'est min a'zam donc, asbab, min a'zam al-awa'iq. C'est parmi les plus grands obstacles et parmi les plus grandes causes qui ont écarté beaucoup de gens en sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Quraysh, ceux qui n'ont pas suivi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était exactement leur argument. Comme a dit Azza wa Jal, « An ha'oula, inna wajadna aba'ana ala ummatin, wa inna ala atharihim muhtadoun. » Ils ont refusé de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont décidé de rester sur la voie de leurs ancêtres. Wa inna ala atharihim muhtadun. Hey, on va suivre leur voie et leur voie c'est la guidée. Et ils ont délaissé la voie du prophète alayhi salatu wasalam. Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana. Dans l'autre verset, la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a ordonné de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a montré qu'ils doivent le suivre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit là, on va suivre nos ancêtres, nos parents. Allah subhanahu wa ta'ala qala, awalaw kana ash-shaytan yad'uhum ila adhab as-sa'ir. Même si la voix de vos ancêtres, c'est une voix qui emmène en enfer, ayyadam billah. Même si Shaitan il vous pousse à suivre vos ancêtres pour que vous finissiez dans le feu, est-ce que vous allez quand même les suivre? Ça nous montre que al-haq c'est la voie du prophète alayhi salatu salam. Mais les parents s'ils sont sur la vérité, alhamdulillah, tu suis pas tes parents, tu suis un nabi alayhi salatu salam. Et s'ils sont sur l'égarement, la voie d'égarement, que ce soit innovation ou mécréance ou shirk ou des péchés, pas le droit de les suivre. قال ولو فتشت عن مصدر هذه الكلمة لوجدتها صادرة عن الإخلاد إلى أرض البطالة متولدة بين بعل الكسل وزوجته الملالة. هذا كذلك سان كلام متين. قال ولو فتشت عن مصدر هذه الكلمة. Si tu viens à chercher pourquoi هؤلاء ils ont délaissé la voie du prophète عليه الصلاة والسلام pour suivre aveuglément إِمَّا leurs ancêtres ou autres, قال لوجدتها صادرة عن الإخلاد إلى أرض البطالة أي الدنيا. لماذا beaucoup de gens ils ont délaissé السنة لأنهم ils pensent que السنة ça va les écarter de leur dunya. Et tellement qu'ils aiment dunya et ils ne pensent même pas à faire certains sacrifices pour Allah subhanahu wa ta'ala et suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils délaissent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال متولدة بين بعل الكسل وزوجته الملالة. Cet égarement, Ibn al-Qayyim rahimahullah, cette parole grave, et le fait de suivre ses ancêtres et délaisser la voie du messager d'Allah alayhi salatu wasalam, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il l'a comparé à un enfant. متولدة. Cet enfant, il a deux parents, un père et une mère. Son père, c'est qui? C'est al-kassal, c'est la fainéantise. Et sa mère, c'est qui? Al-malala. Annahu, il abandonne très très vite. Ces deux causes, ça fait partie des plus grandes causes kadhalik pour délaisser ou qui écarte l'insan de la voie du prophète alayhi salatu wasalam. Al-kassal ou al-malala. C'est pour ça que haoula, qui ont ces caractéristiques, la fainéantise et al-malala, nahum, ils ne sont pas motivés, ils baissent vite les bras, ils sont vite lassés, iyadam billah. En général, tu les trouves, ils se reposent en iyadam billah faisant du haram. Qu'annahum, ils pensent qu'ils ne vont jamais quitter dunya. Ils suivent leur passion, ils suivent leur désir, ils tombent dans le haram et ils s'écartent de la voie du prophète alayhi salatu wasalam. Tastafid min dhalik, min hadha al-kalam al-jamil, anna le suivi du prophète sallallahu alayhi wasalam s'est fondé sur l'ilm, sur la science. Amma, suivre les parents, suivre le grand nombre, suivre tel pays, ça contredit le suivi du prophète alayhi salatu wasalam. Donc c'est fondé sur la science. Et كذلك, pour suivre un Nabi sallallahu alayhi wasalam, il faut s'écarter de fitnat ad-dunya. لأن, surtout cette époque où on vit, beaucoup de choses sont en contradiction avec le suivi du prophète alayhi salatu wasalam. Fait le mu'min, il doit faire un choix. Il doit faire des sacrifices. Ça ne veut pas dire qu'on répète qu'on délaisse cette dunya. Lakin, on doit faire des sacrifices. Et on ne doit pas suivre la vague. Vivre comme les autres. Aucune limite. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le sport, que ce soit dans tous les domaines. Aucune limite. Et on ne suit plus la voie du prophète, alayhi salam. Si tu suis la voie du prophète, alayhi salam, là, chaque, il n'y a aucun doute que tu vas être limité dans certaines choses. لكن patient. Patient والعاقبة للمتقين. وهكذا مع هجرة البدن. Vous avez remarqué que le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام, il faut de la science, faire des sacrifices et s'écarter de la fainéantise et de الملال. Vite se lasser. هكذا هجرة البدن. هكذا celui qui veut faire la hijra avec son corps, délaisser بلاد الكفر pour بلاد الإسلام. فلا بد من هذا. لابد من علم. Certains ils délaissent la hijra, لماذا يقولون mais un tel il a dit, ou Cheikh Foulan il a dit que c'est pas obligatoire, ou mais dans les pays musulmans il y a des péchés, c'est devenu comme la France, c'est devenu comme l'Europe. فنعوذ بالله من الانحراف. Ça c'est de l'égarement مثل هذا الكلام. C'est de l'égarement. لماذا لأن الله عز وجل أمرنا بالهجرة et النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا. Ou les ulama naqalou l'ijma', si tu ne peux pas faire appliquer ton din, c'est une obligation. L'imada s'accroche à la parole d'un tel ou d'un tel ou au foulan il a dit l'imada. Celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et qui aime le Rasul sallallahu alayhi wa sallam avec un amour qawi, fahada bi'idnillahi azza wa jal, il prend du plaisir à adorer Allah subhanahu wa ta'ala en appliquant cette hijra. Il ne cherche pas d'excuses, il ne cherche pas la facilité, il ne cherche pas des fatwas pour repousser nasihatu an-nasihin. Et quand quelqu'un il le conseille, mais un tel il a dit. Là, si tu sais que tu as du mal à appliquer ton din, belle que tu ne peux pas appliquer ton din, fais des efforts pour faire la hijra. Ne cherche pas d'excuses, ça te fera que du mal. كذلك الكسل والملل. كذلك لا فينيانتي سي ان اوبستاكل pour ne pas appliquer la hijra du corps comme c'est un obstacle pour la hijra du cœur et suivre un nabi alayhi salatu wa salam. Fa hatan al hijratan, ces deux hijras du corps et du cœur, il faut des sacrifices. La bout min al tadhiya, tu es obligé de faire des sacrifices. Ad dunya sijnu al mu'min, tu es considéré comme un prisonnier fi hadhihi ad dunya. Limadha li anna, tu dois suivre des ordres précis, tu dois t'écarter de certains interdits et tu dois faire des sacrifices. Tout ça, lillah. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-ikhlas wa tawfiq. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde de la sincérité et qu'il nous facilite ce chemin. Qala wal maqsoud anna hadhihi al-hijrata fardun ala kulli muslim. Cette hijra, elle est obligatoire pour chaque muslim. Et la hijra du cœur. Que le musulman il vit fibla al-kufr ou en terre d'islam, qu'il a de la science, amla, tout le monde est concerné. Et tout le monde doit suivre le prophète Mohammed alayhi salatu salam. On est toujours dans la hijra, et il a rasoul alayhi salatu salam. Donc on est tous concernés. Limadha lianna, on doit tous adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Qala azza wa jalla wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din. Et là, chacun de l'ibada, c'est comme le prophète, alayhi salatu salam, il faisait. Qui c'est qui nous a montré ces ibadat? C'est un rasoul, alayhi salatu salam. Wa ma atakum un rasoul, fakhudu. Et fi as-sunnah, qal, alayhi salatu salam, alaykum bisunnati. Ça, ça concerne tous les musulmans. Enfin, on est tous concernés par cette hijra. C'est une obligation pour tout le monde. Enfin, l'ihad, on ne doit pas la négliger. Et pour ne pas la négliger, il faut la connaître. Il faut connaître comment. Comment l'emprunter? Il faut avoir des provisions. Des provisions. Al-Hijra, c'est un déplacement, c'est un voyage. Enfin, tu as besoin de provisions. La route, elle va être longue. Ces provisions et ce cheminement et ce voyage, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il l'a expliqué dans cette risala, At-Tabutiyya. فقال رحمه الله وهي مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا c'est le résumé des deux hijras. La première hijra, الهجرة إلى الله, أي délaisser l'adoration de toutes les divinités, adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, délaisser le haram et obéir à Allah. هذه c'est مقتضى لا إله إلا الله, أي le sens de la ilaha illallah, c'est adorer Allah seul. La ma'bouda haqqun illallah. Personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Ça doit impliquer quoi? Ça doit impliquer que tu l'adores. Et que tu délaisses l'adoration d'autre qu'Allah. Hada, c'est la première hijra. Donc la première hijra, c'est l'implication du sens de la shahada. Ay ashhadu an la ilaha illallah. La deuxième hijra, et le fait de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est muqtada shahadati anna Muhammadan Rasulullah. Qawluhu muqtada, c'est ce que ça implique. Et si tu dis ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, chaque musulman wa lillahi alhamd dit cette shahada. Tu dois comprendre le sens. C'est quoi le sens? C'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un messager parmi les messagers d'Allah azza wa jall. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé pour toute l'humanité. C'est le dernier. Et tout le monde doit le suivre. Ça, c'est le sens. Qu'est-ce que ça implique, Allah? Ça implique que tu dois faire des efforts pour le suivre. Et cet effort pour le suivre, c'est une hijra. Et c'est exactement le kalam qu'on vient de lire de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Ces deux hijras, la hijra ila Allah et la hijra ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, c'est muqtada, c'est l'implication. Celui qui dit les deux shahada et qui les comprend, ça va impliquer une chose. Aïe. Annahu, il doit faire des choses et délaisser certaines choses, c'est les deux hijras. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Qalu an hatayn al-hijratayn yus'alu kullu 'abdin yawm al-qiyamah wa fi al-barzakh wa yutalab bihima fi ad-dunya. Ces deux hijras, كذلك tu seras interrogé sur ces deux hijras le jour du jugement. كذلك dans ta tombe et كذلك fi ad-dunya. Amma le jour du jugement, فقال الله سبحانه وتعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فأما قوله ماذا أجبتم المرسلين, يوم القيامة tout le monde sera interrogé sur هذا. أي qu'est-ce que tu as répondu au messager? أي est-ce que tu as accepté la دعوة des messagers? Et là, chaque année, la دعوة des messagers, elle est fondée sur deux choses. Elle est fondée sur le tawhid. كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإما لدعوة des messages elle est fondée sur التوحيد bien sûr et كذلك elle est fondée sur le suivi et chaque peuple doit suivre son message et notre prophète محمد عليه الصلاة والسلام c'est le dernier tous ceux qui sont venus après lui doivent le suivre عليه الصلاة والسلام. Donc قوله ماذا أجبتم المرسلين ça englobe les deux. On sera interrogé quand يوم القيامة. فقال ابن القيم رحمه الله يسأل كل عبد يوم القيامة. On sera tous interrogés sur ces deux hijras. Est-ce qu'on a adoré Allah subhanahu wa ta'ala seul et est-ce qu'on a suivi le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام. ثم قال وفي البرزخ. البرزخ c'est l'étape entre الدنيا et le jour du jugement, et l'au-delà. Aïe, la tombe. On sera tous interrogés sur ces deux hijras. Comme dans le hadith Al-Bara, Ibn Azib, radiyallahu ta'ala anhu, chacun d'entre nous, quand on sera enterré, deux anges, Munkar wa Nakir, ils descendront pour interroger ce serviteur. Et parmi les questions qu'ils lui poseront, Man Rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Man Rabbuk, c'est la hijra, la première, il Allah. Celui qui a fait la hijra, il Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala seul, qui s'est écarté du shirk, qui a fait des efforts pour l'adorer subhanahu wa ta'ala, et s'écarter des interdictions, adala shakanahu, il répondra. Ça te montre, anna, le fruit de cette hijra, tu le trouveras awwalan dans ta tombe. Bel comme la dalik, fait dunya. Qawluhu man nabiyuk, c'est la deuxième hijra. Ceux qui répondront, c'est ceux qui ont fait la hijra ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi dunya et qui l'ont suivi, qui ont délaissé tout ce qui contredisait la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Leur principale source, c'était Al-Qur'an et la sunna. A ha'oula, kadalik, walillahi alhamd, ils répondront. Donc, hada, c'est fi al-barzakh, ay dans la tombe. Qala wa yutalab bihima fi dunya. Et kadalik fi dunya, bien sûr. Aïe, on doit tous adorer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement et on doit tous suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala Allahu azza wa jal فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Les deux hijras, elles sont citées dans ce verset. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, celui qui espère rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, aïe, ala khayr, ala huda, ala l'iman, que Allah subhanahu wa ta'ala il soit satisfait de lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Et dans cette dunya, man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan. Ça c'est la hijra ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Al-'amal as-salih, c'est suivre la sunna. Vous avez remarqué que al-'amal il n'a pas été cité seul, là il a été précisé. Il a été qualifié de salih. Et as-salih, c'est ce qui concorde avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Comme qala ahlul 'ilm, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il s'écarte du shirk. Le fait de s'écarter du shirk, c'est une hijra. كَمَا تَقَدَّمْ مَعْنَا. Et on s'écarte du shirk, وَنُهَاجِرْ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, en l'adorant seul. Donc, فِي الدُّنْيَا كَدَالِكْ, on doit appliquer ces deux hijras. Donc, ces deux hijras, elles accompagnent le croyant dans sa vie, ici-bas, dans Satan et le jour du jugement. فَلِهَذَا, celui qui a fait des efforts fi dunya, ces deux hijras l'accompagneront dans sa tombe et le jour du jugement. Celui qui a délaissé ces deux hijras, la shak anna, dans sa tombe, il ne trouvera pas les fruits bénéfiques. Abadan. Bal, il trouvera l'axe, le châtiment, yadam billah. قَالَ فَهُوَ مُطَالَبٌ بِهِمَا فِي الدُّورِ الثَّلَاثِ. الدُّور الثَّلَاثِ, c'est les trois demeures. دَارُ الدُّنْيَا وَدَارُ الْبَرْزَخِ وَدَارُ الْقَرَرِ. Ici-bas, dans la tombe et dans l'au-delà. قال قتادة كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. Chacun de nous, on sera interrogé sur ces deux questions. كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون, C'est quoi ces deux questions? La première, ماذا كنتم تعبدون? Et qu'est-ce que tu adorais في الدنيا? وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. Ça c'est la première question. Chacun de nous prépare une réponse من الآن أخي الكريم. Est-ce que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement? Est-ce que toutes tes adorations, elles sont exclusivement réservées à ton créateur subhanahu wa ta'ala? Si c'est le cas, ihmadillah, sois reconnaissant et continue. Si c'est pas le cas, al-insan iyadan billah waqa'a fi shay' min ash-shirk, que ce soit akbar ou asghar, ou ar-riya, l'ostentation ou autre, on se corrige. Et on adore que Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième question, wa madha ajabtum al-mursaleen? فتقدم معنا الدليل قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين أي ماذا أجبتم المرسلين أي c'était quoi ta position par rapport au message d'Allah عليه الصلاة والسلام est-ce que tu as répondu à son appel est-ce que tu l'as suivi ثم قال وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين et ces deux kalimas c'est lié aux deux shahada. Naam, le sens de la première, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, ay ashhadu an la ilaha illallah. Et le sens de la deuxième, c'est de reconnaître le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam que c'est ar-rasoul. Et kadhalik, ça implique de le suivre. Donc, ces deux hijra, elles sont liées directement au premier pilier de l'islam. Ces deux hijra, c'est la base de notre dîn. Fais tout pour les connaître. Fais tout pour prendre les provisions nécessaires pour réussir à accomplir ces deux hijras jusqu'à ce que tu meurs, avec ton corps, avec ta langue et avec tes membres. قال وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين وقد قال الله تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ابن القيم رحمه الله il a cité ce verset et il en a cité 9 autres. Donc il a cité 10 versets pour expliquer, détailler, te montrer c'est quoi la hijra et le rasoul alayhi salatu wa sallam. Et c'est quoi le suivi du prophète alayhi salatu wa sallam. Ou comment répondre au messager d'Allah alayhi salatu wa sallam qui t'a appelé à le suivre. Enfin, comment tu dois le suivre. Kadhalik, c'est quoi les provisions que tu as besoin. Il a cité 10 versets, rahmatullah alayhi. Et هنا, on vient de lire le premier. قال فأقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل. Allah سبحانه وتعالى il a juré par son nefs. فلا وربك لا يؤمنون. فقوله فلا وربك. فقوله وربك c'est قسم. Il a juré. Il a juré par lui-même عز وجل. قال على أنهم لا يثبت لهم الإيمان. ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع. أي الله سبحانه وتعالى il a informé أن العباد لا يؤمنون أي ne croiront pas حتى يحكموك أي يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم أي فيما حصل بينهم أي personne ne croira tant que il ne revient pas au jugement du prophète alayhi salatu salam quand il diverge avec quelqu'un d'autre. Ça c'est min al-hijra ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ay tahkim rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam عند الخلاف. Quand on diverge dans une chose, on doit revenir au messager d'Allah alayhi salatu salam. Et vu que le prophète alayhi salatu salam il est mort, on revient à sa sunna. Qala على أنهم لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكم رسوله في جميع موارد النزاع وتقدم معنا كثيرا أن لفت دلسي حكم الشريعة للوا الله سبحانه وتعالى كذلك للوا لجوجمان دو بروفيت عليه الصلاة والسلام هذا تفصيل عند أهل السنة. C'est pour ça que qawluhu fala wa rabbika la yu'minun, il y a un tafsil. Est-ce que ça veut dire ils ne croiront pas? C'est des kuffars, ils ont plus d'iman. Ou est-ce que ça veut dire la yu'minun, leur foi elle descend? Ça dépend. Celui qui délaisse complètement hukm Allah, limadha li'annahu il croit qu'il y a un hukm, il y a une voie meilleure. Ou il pense que c'est permis. Ou il pense que c'est autorisé, même si حكم الله pour lui le meilleur, فهذا c'est du كفر كما تقدم معنا dans plusieurs دروس. أما si il a des faiblesses et il sait que حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم c'est le meilleur حكم, لكن il délaisse à cause de passion, à cause de faiblesse, à cause de manquement, etc. هذا ça reste un مؤمن, لكن son إيمان il est ضعيف. فقولوا فلا وربك لا يؤمنون, ça dépend. Ça peut être من حيث النفي لا يؤمنون, ça peut être نفي الأصل أو ça peut être نفي الكمال الواجب. Et هذا on l'a détaillé dans plusieurs دروس. On l'a détaillé فيما أذكر dans الواجبات في الفصل في الحكم بغير ما أنزل الله. Et كذلك dans كتاب التوحيد dans le chapitre sur le fait de juger par autre que les lois d'Allah عز وجل. Et on vient de le résumer هنا ولله الحمد. قال وهو كل ما شجر بينهم من مسائل النزاع في جميع أبواب الدين. Donc أخي الكريم, quand tu diverges, tu n'es pas d'accord avec ton frère musulman dans un sujet parmi des questions de din, on fait attention aux passions. On fait attention de ne pas sortir عن هذا الطريق. Hey, la voix du prophète عليه الصلاة والسلام. La voix du prophète عليه الصلاة والسلام, c'est quoi? On accepte son hukm. Donc quand il y a une divergence, tu n'as pas forcément raison et je n'ai pas forcément raison. Et kadalik shir un tel, il n'a pas forcément tort et un autre shir, il n'a pas forcément tort. Al-hakam et al-haq, c'est de revenir au prophète Muhammad alayhi salatu salam. Falihada qal fi jami' abwab ad-din. Bien sûr que ce soit dans l'aqida, que ce soit dans le bon comportement, que ce soit dans une ibada. Ana madalan, je dis cette chose c'est légiféré, anta tu dis c'est pas légiféré. في هذا الحال اختلفنا. هذا قوله فيما شجر بينهم أي حصل نزاع. Il y a une divergence entre toi et moi. Qu'est-ce qu'on doit faire? قال ربنا عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. Si on croit vraiment avec un iman قوي, on doit revenir au prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. قال فإن اللفظة ما من صيغ العموم فإنها موصولة تقتضي نفي الإيمان إذا لم يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم. نفي الإيمان على التفصيل السابق كمنا ديتاي. الإمام ابن رجب رحمه الله il a parlé de cette masala في جامع العلوم والحكم. شيخ ابن عثيمين رحمه الله كذلك dans شرح رياض الصالحين et dans d'autres livres. الإمام الألباني رحمه الله كذلك il a parlé de cette masala et أكثر العلماء ils ont détaillé هذا. قال إذ لم يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم أي قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر أي قوله ما en langue arabe c'est min alfaz al-umum أي dans tout sur quoi il divergent, que ce soit l'aqida, que ce soit le bon comportement, que ce soit une adoration. Al-muhim, quand il y a une divergence, on doit revenir au Coran et à la sunna. قال ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه. Ça ne suffit pas de revenir au texte. كذلك, on doit revenir au texte et être satisfait. فلهذا قال عز وجل ولا يجد في أنفسهم حرجا. الحرج c'est une gêne. Hey, on ressent pas de gêne. Si ton frère il a raison et un tas tu t'es trompé, tu dois revenir à la parole de ton frère. Pourquoi? Parce qu'il a suivi la vérité et la sunna. Donc, fi hadha al-hal, on doit ressentir aucune gêne. Limad alayna, notre objectif à tous, ça doit être de suivre la vérité. Enfin, si on s'est trompé, on est tous d'accord, on peut tous se tromper, on se trompe tous. Donc, si Wahid, il t'a montré la vérité, et il t'a montré une sunna, il t'a montré un dalil wadih, une preuve claire, appuyée avec les paroles des savants, walillahi al-hamd, on n'a pas de gêne à ressentir. Belle, c'est une rif'a. Celui qui délaisse sa parole et qui revient à la parole du prophète alayhi salatu wasalam, ça montre qu'il a un iman qawi. Ça montre qu'il a la foi. Lihada qala azza wa jal fala wa rabbika la yu'minun. Et hada s'il applique, ça veut dire que yu'min, qu'il croit. Qala haythu la yajidu fi anfusihim harajan wa huwa adh-dhiq wa al-hasr. Na'am. Ay la poitrine serrée, une gêne dans le cœur. Min hukmihi bal yatalaqaw hukmahu bil inshirah. Pourquoi? Parce que c'est la voix du prophète عليه الصلاة والسلام. Et en tant que mu'min, ça doit être notre objectif à chacun. Si واحد il te la montre, ou tu ignorais, ou tu t'es trompé, ou tu as eu des manquements, ou tu as suivi tes passions, tu te corriges Et tu suis cette voie parce que c'est la voie du prophète alayhi salatu wa salam. Qala ya'khudunahu. On revient au kalam. Qala la annahum ya'khudunahu ala irmadin wa yashrabunahu ala aqdha'in fa in hadha munafin lil iman bal la bud an yakun akhdhuhu bi qabul wa ridha wa inshirah al sadr. Na'am, on doit accepter hadha bi inshirah al sadr. Ton cœur il est apaisé walillahil hamd. Belle, normalement, on doit être content. On s'était trompé dans cette masala et on est revenu. Et on continue notre hijra ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam en le suivant. Tout ça pour Allah Azza wa Jal. Qala wa mata arada al-ab an ya'lam manzilatahu min hadha falyanzur fi halih. C'est pour ça que ba'd al-ulama, Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah, al-allama, al-sheikh al-kabir, من علماء السنة أنه quand il a expliqué ce verset قال أن هذا سمن الامتحان. Tu veux te tester, tu veux savoir est-ce que tu suis le droit chemin ou pas, tu as ce verset. Si tu appliques هذا, hey, quand il y a une divergence tu reviens au prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, et كذلك, quand tu t'es trompé on te montre la vérité, tu ressens aucune gêne. Et kadalik, tu te soumets bien sûr comme asayati, inshallah. Hada, ça montre que tu es à la khayr. Falihada qala ibn al-qayyim, falyanzur fi halih. Et ça nous montre, comme taqaddam ma'ana, anna da'iman, remets-toi en question, akhi al-karim. Da'iman, fais des efforts et hasib nafsak, qabla an tuhasab. Qala, wal yutali' qalbahu inda wurud hukmihi ala khilafi hawah wa gharadih. Khassatan quand c'est une chose que tu aimes. Matalan, il y a une divergence, tu avais l'habitude de faire une chose. Et tu t'es habitué à manger cette chose ou à voir cette chose. Mouhim, on te montre que c'est interdit. Qalbuk muta'alliqun bihadha ash-shay au départ. Ton cœur, il est accroché à cette chose. Limana li'anna tu aimes cette chose et tu la faisais. Si tu sais que c'est haram, on t'a informé que c'est haram avec une preuve. Qal ibn al-qayyim wa liyutali' qalbahu 'inda wurud hukmi. Vu que tu sais, est-ce que ton cœur, l'an, il va accepter amla? Qala ala khilaf hawa wa gharadi. Si tu acceptes sans aucune gêne et tu arrives à délaisser, et alhamdulillah, bel, tu es reconnaissant vers celui qui t'a montré cette vérité, tu es sur le droit chemin. Si tu ressens une gêne, tu dois faire des efforts et tu dois te corriger. Qala aw ala khilaf ma qallada fihi aslafahu min al masail al kibar wa ma dunaha bal al insan ala nafsihi basira. وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرًا. كَذَلِكَ dans les مَسَائِلْ où tu suis un sheikh, خاصةً le sheikh chez qui tu as étudié. L'étudiant, il est attiré, ou plutôt il est accroché, ou il suit la voie de son sheikh. Lakin, on doit faire attention sans taqlid. L'imam, il le suit en général, il a étudié chez lui, il lui a montré les مَسَائِلْ, il connaît ses avis, etc. Donc, en général, il cite les paroles de son shir, etc. Et hada, c'est tout à fait normal. Lakin, si ton shir, tu as un dalil, annahu il s'est trompé, ou annahu il s'est égaré, ayyadan billah, fa fi hada al-hal, tu n'as plus le droit de le suivre. Si tu le suis, tu as un problème. Limada, si ton shir, il contredit la voix du prophète, alayhi salatu salam, que ce soit dans un sujet, ou ayyadan billah, dans plusieurs, Al-Muhim, tu dois revenir et suivre la voie du prophète alayhi salatu salam. Et tu trouveras forcément des savants qui suivent le Nabi alayhi salatu salam. Qala, bal al-insan 'ala nafsihi basira wa law alqa ma'adhira. Non, l'insan il se connaît. On sait tous l'état de notre cœur. Et pour connaître l'état de ton cœur, quand il y a un khilaf, tu regardes ton cœur, est-ce qu'il ressent une gêne amla. Qala, فسبحان الله كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم أن لو لم ترد. ابن القيم رحمه الله قال فسبحان الله. Combien de personnes ils délaissent la vérité, ils ressentent de la gêne dans leur cœur, bel ils espèrent si seulement ils n'avaient pas entendu ce hadith ou ce verset, ou ce hadith ou ce verset n'aurait pas été révélé. Ils espèrent ça tellement qu'ils sont attirés par leur passion et ils suivent leur désir. قال وكم من حرارة في أكبادهم منها. نعم بعض الناس ça leur fait mal. بعض الناس quand ils apprennent que cette chose c'est haram, et بعضهم on vit à une époque ils le disent clairement pourquoi tu me l'as dit. عياذا بالله هذا c'est grave. قال وكم من شجن في حلوقهم من موردها. نعم بعض الناس c'est comme si ils s'étaient étouffés avec une chose quand ils entendent الحق عياذا بالله. ثم قال رحمه الله ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. تأمل هذا البيت أن un jour même si l'insan il cache أنه il est pas d'accord أنه il a de la gêne même si tu le caches viendra un jour تبلى السرائر أي أن tout ce qu'il y a dans les poitrines ça sera dévoilé. On doit se corriger, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fasse aimer la vérité. ثم قال رحمه الله ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله ويسلم تسليما. Donc pour finir le deuxième point, Allah, ce qui écarte de la vérité et qui met de la gêne dans le cœur, c'est le suivi aveugle, ayyadun billah, les passions, al-ahwa, le haram, al-dunya. Hada la shak anna, ça peut écarter l'insan du droit chemin. ثم قال ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله ويسلم تسليما. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a juré. فلا وربك لا يؤمنون. ثم قال عز وجل ولا نعم il nous a ordonné de revenir au prophète صلى الله عليه وسلم حتى يحكموك. ثم قال ثم لا يجدون في أنفسهم حرج. Tu dois revenir au prophète صلى الله عليه وسلم. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, tu dois pas ressentir de gêne. Le troisième point, tu dois te soumettre. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا فَذَكَرَ الْفِعْلِ مُؤَكِّدًا لَهُ بِمَصْدَرِهِ الْقَائِمْ مَقَامْ ذِكْرِهِ مَرَّتَيْنِ. نعم. Et cela c'est la langue arabe. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. Vous avez remarqué que le mot تَسْلِيمَ c'est la même construction que le فِعْلِ وَيُسَلِّمُ. فَتَسْلِيمًا c'est un مصدر هنا et c'est من باب التوكيد. فالله سبحانه وتعالى قال وَيُسَلِّمُ et il a أكد, il a renforcé هذا بقوله تسليما. قال وهو الخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما لا قهرا ومصابرة. أي on doit revenir au prophète عليه الصلاة والسلام et ne pas avoir de la gêne et من باب التسليم pas قهرا ومصابرة. أي on n'a pas le choix, on n'a pas le choix donc on fait. لا. قال كما يسلم المقهور لمن قهره كره. نعم نعيد كما يسلم المقهور لمن قهره كره. C'est comme si واحد il ne veut pas faire une chose ثم il est forcé. Ça arrive مثلا avec les enfants, il ne veut pas faire une chose ثم tu les forces et ils la font. نحن on doit pas suivre سنة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. Et quand on n'est pas forcé on désobéit, et quand on n'a plus le choix, on lui obéit, alayhi salatu salam. Ça, c'est pas ibadatu al-mukhlisin al-mu'minin qui ont un iman qawi. Ça, c'est ibadatu al-du'afa, et ceux qui sont attirés par dunya, et ceux qui cherchent d'un iman le profit. Quand ils n'ont plus le choix, ils reviennent au din. Quand ils ont le choix, ils oublient at-din. Qala, kama yusallimu al-maqhur liman qaharahu karha. بل تسليم عبد محب مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه. بل on doit suivre النبي صلى الله عليه وسلم. Pourquoi? Parce que c'est Allah سبحانه وتعالى qui nous l'a ordonné. Enfin, on doit le suivre en l'aimant عليه الصلاة والسلام. Et on se soumet. Et on doit trouver du plaisir à هذا. قال وهو أحب شيء إليه. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن وحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم. فهو دوا أيمي لو بروفيت صلى الله عليه وسلم plus que nous-mêmes, plus que nos parents, plus que nos enfants. قال يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه. كذلك en te soumettant et en obéissant au prophète عليه الصلاة والسلام, on doit être convaincu que c'est la voie de la réussite. Tu veux le bonheur? Suis un Nabi alayhi salatu wassalam. قال ويعلم بأنه أولى به من نفسه. نعم. كما قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il passe avant toi. Il passe avant tes passions, il passe avant tes envies. Il passe avant tes avis. En tant que mu'min, on doit fonder notre vie sur le suivi du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Qala, wa abarru bihi minha, wa arhamu bihi minha, wa ansahu lahu minha, wa a'lamu bima salihihi minha, wa aqdaru ala tahsiliha. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voulait le bien pour toi-même, plus que toi-même. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait la vérité mieux que toi, ce qui est utile pour toi mieux que toi, ce qui te fera du mal mieux que toi. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il recevait la révélation. Et ta'ammali la qawlillahi azza wa jal, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait de la rahma pour nous. Il voulait notre bien. Combien de sacrifices il a fait pour l'Ummah. Alayhi salatu wassalam. Donc, suis-le. Place ta confiance en Allah Azza wa Jal. Et c'est ça le droit chemin. Qala fa mata alima al-abdu hada min ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam istaslama lah wa sallama ilayhi wa anqadat kullu dharratin min qalbihi ilayhi wa ra'a annahu la sa'adata lahu illa bi hada at-taslim wa al-inqiyad. Si on reconnaît et on n'oublie pas, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour notre bien. Il nous a conseillé, il a fait beaucoup de sacrifices pour notre bien. Et son suivi, c'est la voie du bonheur et du paradis. On aura beaucoup plus de facilité à le suivre. Et s'il y a une divergence, notre principal objectif, ça sera de connaître la vérité qui est fondée sur le Coran et la Sunna et de la suivre. Même si on contredit ou on ne suit pas un tel et un tel. Qala. وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة بل هو أمر قد انشق له القلب واستقر في سويدائه نعم انشق له القلب واستقر في سويدائه أي au plus profond de ton cœur. Ibn al-Qayyim رحمه الله il a fait une remarque très très importante أن هذا c'est pas qu'avec la langue. أن on aime le prophète صلى الله عليه وسلم, il faut suivre le prophète صلى الله عليه وسلم. Et c'est devenu leur iyadan billah, leur suivi, c'est de fêter la naissance du prophète alayhi salatu salam et de faire des innovations. C'est pas ça le suivi du prophète alayhi salatu salam. Là, قال وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة. C'est pas qu'une parole avec la langue. بل هو أمر قد انشق له القلب. هذا ça doit pénétrer au plus profond de ton cœur. قال ولا تفي العبارة بمعناه ولا مطمع في حصوله بالدعوة. Ça suffit pas les prétentions. On aime Allah, on aime le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam et on fait pas d'efforts. Qala Allahu azza wa jalla qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Tu aimes vraiment Allah azza wa jalla, tu aimes vraiment son messager Ali sallallahu alayhi wa sallam, tu as qu'une voie à suivre. Suis le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Si tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il t'aimera. Et si Allah il t'aime, son messager il t'aime Ali sallallahu alayhi wa sallam. Et si t'aimes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui il t'aime, fait tu seras avec lui yawm al-qiyama, al-mar'u ma'a man ahab yawm al-qiyama. Tout ça c'est fondé sur quoi? Ta'ammal qawlahu azza wa jalla, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni al-ittiba'. Le suivi, c'est pas qu'une parole avec la langue. Là, là tu dois le suivre alayhi sallallahu alayhi wa sallam avec ton cœur, avec ta langue et avec tes membres. Amma imiter les ennemis de ce prophète alayhi salatu wasalam, donner de la valeur aux ennemis de ce messager alayhi salatu wasalam et aimer ceux qui détestent ce messager alayhi salatu wasalam, ça fait pas partie de l'amour du prophète alayhi salatu wasalam et ça fait pas partie de son suivi. Bel c'est très très grave. Il y en a celui qui aime un Nabi sallallahu alayhi wasalam, forcément il détestera ses ennemis. Celui qui aime un Rasoul alayhi salatu wasalam, forcément il aimera ceux qui le suivent. Qala ولا مطمع في حصوله بالدعوة والأماني. الدعوة et الأماني c'est les prétentions. قال رحمه الله فكل يدعون نعم فكل يدعون وصال ليلى ولكن لا تقر لهم بذاك. في الحاشية نبه المحقق قال والرواية المشهورة وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. نعم سيزا. Le vers de poésie, il est connu, il est mashhour, et l'ulama, il le cite souvent. Hey, celui qui prétend une chose et il ne fait pas ce qu'il faut, sa prétention, elle ne vaut rien. Comme les gens, ils prétendent à ils sont sur la vérité. Comme les gens, ils prétendent à ils aiment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est eux le groupe sauvé, etc. Et c'est des égarés. تأمل الصوفية الضلال أنهم يبخيتون مي النبي صلى الله عليه وسلم بلوس كو لي زوت يبخيتون كو سي أوك سون سو لا فيريتي إي كريتيك لي زوت عياذا بالله يشركون بالله إي لوغ أدوراسيون بوكو إلي فوندي سور لي زينوفاسيون. قال On essaye de finir l'explication du, au moins du, نعم, du premier verset. قال وفرق بين علم الحب وحال الحب فكثيرا ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده وفرق بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو مثخن بالمرض وبين الصحيح السليم وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. هذا سأنوض خيزم طيب أن سأشوفي بعد كونتر de connaître le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et de prétendre l'aimer. Ça ne suffit pas, هذا, s'il n'y a pas d'action. فلهذا, المريض, العارف بالصحة, celui qui est malade, et il souffre. لكن, il connaît la, comment avoir la bonne santé. لكن, il ne l'a pas. Est-ce que c'est utile? Ce n'est pas utile pour lui. لكن, الصحيح, السليم, celui qui est en bonne santé, ولله الحمد, وإن لم يحسن, même s'il a du mal à s'exprimer, à montrer c'est quoi la bonne santé, alhamdoulilah, il est en bonne santé, donc il profitera. هكذا المؤمن المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام. Tu trouves بعض الناس من العوام, ils aiment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils font beaucoup d'efforts dans le sunnat du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si tu leur demandes de décrire certaines choses, ils ont du mal. Et ils sont à la khair. Tu trouves d'autres, anahum, ils connaissent la vérité, lakin ils la combattent et ils ne la suivent pas. C'est d'aucune utilité. Et c'est des prétentions. فقط. قال وتأمل تأكيده سبحانه لهم المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد أولها ça c'est le résumé أولها on revient au verset تصديرها بالله النافية وليست زائدة كما يظن من يظن ذلك ce passage on va le lire قراءة لماذا لأنه c'est de la langue arabe أي قوله فلا وربك لا يؤمنون قوله فلا وربك vous avez remarqué que avant قسم il y a un لا Et cela, il n'est pas Zaïd, là, c'est Mimbab At-Tawkid. Wa illa fal-ma'na, si tu, pour comprendre, si tu dis Fawarabbika la yu'minun, le sens il est juste. Et Allah il a juré. Lakin ahyanan avant Qasam, Allah subhanahu wa ta'ala, yaqul la. قال وليست زائدة كما يظن من يظن ذلك وإنما دخولها لسر في القسم وهو الإذان بتضمن المقسم عليه للنفي وهو قوله لا يؤمنون وهذا منهج معروف في كلام العرب إذا أقسموا على نفي شيء صدروا جملة القسم بأداة نفي مثل هذه الآية ومثل قول الصديق رضي الله عنه لا ها الله لا ها الله أي لا والله La Allah, c'est bimana, la wallah. Donc avant de jurer, il a dit la. Qala la ya'midu ila asadin min usudillah yuqatil anillahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam fa yu'tika salab. Kadhalik qawlu azza wa jalla la uqsimu bi yawm al qiyama. La uqsimu, ça veut pas dire qu'Allah il a pas juré par yawm al qiyama. Bal al ma'na c'est uqsimu bi yawm al qiyama, Allah il a juré, lakin quand il dit la avant, c'est pour une ma'na azima, c'est pour renforcer hada al qasam. Pas comprendre que c'est une lettre en plus ou c'est un nafi. C'est la nafi, mais elle n'est pas zaïda et c'est pas bien معنى un nafi qu'on connaît, انه il a pas juré là. Wa qala ash-sha'ir fala wa abik ibnat al-amiri la yad'i al-qawm anni afirru. Qawluhu fala wa abik, il a juré, thumma qala la yad'i. Na'am, hada ça ressemble min hayt at-tarkib وعلى فائدة كلا سيتي ابن القيم رحمه الله وقال الآخر فلا والله لا يلقى فلا والله لا يلفى لما بي ولا للديهم ولا للديهم أبدا دواء وهذا في كلام وهذا في كلامه أكثر من أن يذكر نعم هذا c'est la langue arabe celui qui n'a pas saisi ce point الأمر السهل قال وتأمل جمل القسم التي في القرآن المصدرة بحرف النفي كيف تجد المقسم عليه منفيا ومتضمنا لنفي ولا يخرم هذا قوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله الكفار في القرآن من أنه شعر أو كهانة أو أساطير الأولين كيف صدر القسم بأداة النفي ثم أثبت له خلاف ما قالوه فتضمنت الآية معنى ليس الأمر كما يزعمون ولكنه قرآن كريم. ولهذا صرح بالأمرين النفي والإثبات في مثل قوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. وكذلك قوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية المقسم عليه وتأكيده وشدة انتفائه. سيصح الخلاصة أن الله عز وجل قال فلا وربك لا يؤمنون أي الله سبحانه وتعالى أحيانا avant de jurer يقول لا, هذا سمن باب تقوية المقسم عليه والتأكيد. لو حرف سيحرف النفي لكن سيبا بور نفي القسم لا أو المقسم به بلتو أو المقسم عليه لا, سمن باب تقوية والتأكيد أي سيبور renforcer هذا القسم. القسم سي لو فات دو جوري. قال وثانيها تأكيده بنفس المقسم. نعم فلا وربك لا يؤمنون. وثالثها تأكيده بالمقسم به وهو إقسامه بنفسه لا بالشيء من مخلوقاته أي فلا وربك, وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة. هذا سيغزغيك الله عز وجل, أما السيرفيتور يدوى جوريك بار الله سبحانه. ورابعها تأكيده بانتفاء الحرج ووجود التسليم. توسا تقدم معنا. قال وخامسها تأكيد الفعل بالمصدر أي تسليما, قوله تسليما ويسلم تسليما. وهذا وما هذا التأكيد والاعتناء إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم, وأنه مما يعتنى به ويقرر في نفوس العباد بما هو من أبلغ أنواع التقرير. انتهى. الله سبحانه وتعالى quand il jure dans un verset du Coran c'est que l'amr il est عظيم. الله سبحانه وتعالى il a juré فلو ربك لا يؤمنون. Donc, donne du temps à l'explication de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il jure, en tant que croyant, on doit savoir pourquoi. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a juré, c'est qu'il y a quelque chose de azim. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a expliqué ce verset. Et al-khulasa, anna min al-hijrati ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de revenir à lui en cas de khilaf. C'est le fait de se soumettre et de le suivre, et de ne pas ressentir une gêne dans son cœur. Et pour délaisser quelque chose qui contredit la voix du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et revenir à son chemin. Donc on fait des efforts, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, qui guide nos cœurs, « Innahu waliyu dalik wal qadiru alayhi, wa naktafi bihada wa lillahi alhamd » Et on passe au dars suivant, « Bi'idnillah jalla wa ala » On a fini l'explication du premier verset. Demain, Inch'Allah, on commence l'étude du deuxième.